Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu connais des blocages dans tes finances, il y a des gens qui te doivent depuis longtemps et tu te fais des soucis. Laisse-moi te dire, entre dans un moment de jeûne et de prière pour cette situation. C'est l'ennemi qui t'attaque, il ne veut pas que tu puisses t'épanouir, il ne veut pas que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Dieu te donnera la victoire. Oui, c'est spirituel ce combat. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu. Dieu te donnera la victoire, il débloquera cet argent et tu donneras pour soutenir son œuvre. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSP. Nous allons lire Juges chapitre 1, 1 à 7. Notre texte de base d'aujourd'hui, c'est Juges 1, 1 à 7. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Périsiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adonis, Bézek, à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Périsiens. Adonibézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézek dit: 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. On les mena à Jérusalem et il y mourut. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons consulter l'Éternel avant de prendre nos décisions. Je veux parler à une dame. Écoute-moi bien. Le problème que tu as à la maison, c'est que la servante que tu viens de prendre, tu n'as pas consulté l'Éternel. Et maintenant, tu vois que depuis qu'elle est là à la maison, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a beaucoup de décisions que nous prenons sans consulter l'Éternel. Nous pensons résoudre les problèmes de tout le monde. Les grandes décisions. Tu veux prendre un travailleur. Tu veux introduire une demande pour travailler dans une entreprise. Tu veux déménager. Tu veux te marier. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. Même les choix d'une église. Oui, je parle à quelqu'un. Même les choix d'une église, aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est église. Il y a des endroits où quand tu entres là, c'est comme dans une prison où tu te sens bloqué. Les grandes décisions, il faut toujours consulter l'Éternel dans la prière pour demander si Dieu veut que vous puissiez faire telle ou telle action ou prendre telle ou telle décision. C'est ça le secret des enfants d'Israël. Vous voyez, il est dit au verset 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Le verset 2, l'Éternel répondit: Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Lorsque tu consultes Dieu dans la prière, il faut aussi écouter les instructions que Dieu te donne. Il ne suffit pas seulement de prier, de demander à Dieu, mais il faut aussi entendre sa réponse et mettre en application ce qu'il vous demande. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent prier, mais lorsque Dieu donne des instructions, ils font autre chose. Mon ami, tu ne peux pas aller de victoire en victoire tant que tu ne consultes pas l'Éternel et tant que tu n'obéis pas à ses instructions. Deuxième vérité, nous devons travailler dans l'unité et la solidarité pour remporter des grandes victoires, surtout dans les contextes d'une famille. Je veux parler à un couple, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas en guerre. Ma sœur, ton mari n'est pas ton ennemi. Mon frère, ta femme n'est pas ton ennemi. Il faut travailler en synergie. Il faut partager. Ne cache rien à ta femme. Dis-lui ce que tu comptes faire. Comme ça, ensemble, vous allez prier et vous verrez que Dieu vous donnera de grandes victoires. Il faut se soutenir mutuellement. Même dans nos familles, comment se fait-il que les grands frères, les petites sœurs, lorsqu'ils ne s'entendent pas, la Bible nous dit qu'une maison divisée ne peut pas subsister. C'est lorsqu'on se serre les coudes dans l'unité que nous pouvons remporter de grandes victoires. Vous voyez une leçon ici? Dieu a demandé que Judas puisse monter parce qu'il va livrer le pays à Judas. Mais Judas a compris que cette victoire, il n'allait pas la gagner seul, la remporter seul. Il a associé Benjamin. Vous voyez, ça c'est l'esprit d'unité et de solidarité. Il est dit au verset 3, « Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Vous voyez l'esprit de solidarité. Judas demande à Siméon, il dit, mon frère, viens avec moi pour que nous puissions conquérir les pays qui m'est échu. Mais quand ce sera aussi à ton tour, moi aussi, je vais monter avec toi. L'esprit de solidarité, lorsqu'il y a un esprit de compétition, un esprit d'égoïsme, où tu veux qu'on parle seulement de toi, tu ne veux pas associer les autres, mon ami, Dieu risque de te confondre. Même dans une famille, le succès d'un frère, le succès d'une sœur doit être considéré comme le succès de tout le monde. Quand on parle du mariage de ton petit frère, de ta petite sœur, il faut que toute la famille se mobilise pour soutenir ce mariage-là, même si ton tour n'est pas encore arrivé. Comme ça, quand ton tour viendra, les autres vont aussi se mobiliser. Vous voyez, c'est ça l'esprit d'unité, l'esprit de solidarité. Il en est de même pour l'Église. L'Église est le corps du Christ. Nous ne devons pas chercher à remporter des victoires seuls. Souvent, il y a des gens, lorsqu'on dit par exemple qu'il y a une organisation, il y a une fête, on le met à la tête du comité d'organisation, il veut qu'on parle de lui, que ça a réussi à cause de moi. Non, tu n'as pas besoin qu'on parle de toi. Il faut travailler dans la symbiose, dans la synergie, dans la collaboration, dans l'unité, afin que cette victoire-là soit attribuée d'abord à Jésus-Christ et à toute la corporation, ou bien à l'entreprise, ou bien à l'Église en tant que corps du Christ. Mais lorsqu'on se préoccupe seulement de sa victoire, pour qu'on parle de moi, on ne veut pas associer les autres. C'est ça les erreurs que nous commettons. Troisième vérité, nous récoltons ce que nous avons semé. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est un principe divin. Lorsque tu fais du bien, par exemple, tu aides les gens, tu soutiens les orphelins, tu soutiens les veuves, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens les hommes et les femmes de Dieu qui servent réellement le Seigneur, sache que tu vas moissonner ce que tu as semé. Mais si par contre dans la vie tu es méchant, tu ne fais que du mal aux autres, je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien, Dieu t'a élevé comme directeur. Mais au lieu que tu puisses aider les gens même qui t'ont soutenu, les gens même avec qui tu as étudié ensemble, tes amis, tu les as oubliés, tu les as négligés. Dieu n'est pas content de toi. Le jour où on va t'enlever de ce poste-là, beaucoup de gens seront contents parce que tu as été méchant. Ce n'est pas bon. Nous récoltons ce que nous avons semé. Lorsque Dieu t'élève quelque part, tu ne dois pas utiliser ton poste de responsabilité pour écraser les autres, pour faire du mal aux autres. Non. Regardez ici, on parle d'un certain Adonis Bézek. La Bible nous dit au verset 5, « Ils trouvèrent Adonis Bézek. » Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Pérésiens. Verset 6. Adonis Bézek prit la fuite, mais ils les poursuivirent et les saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Et le verset 7 précise que Adonis Bézek, là, ce qui lui est arrivé, c'est la conséquence de ce qu'il a fait. Lui-même dit ceci. 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Donc, il a compris que cette défaite qu'il venait d'essuyer et ce qu'il venait de vivre, on lui a coupé les pouces des mains et des pieds. C'est parce que lui-même a coupé les pouces des mains et des pieds des 70 rois qui mangeaient à sa table. Vous voyez? Donc, il a compris que c'est le résultat de ce que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous allons moissonner ce que nous avons semé. Tôt ou tard, si tu sèmes le mensonge va te rattraper. Mon ami, si tu es en train de faire le malin, d'escroquer les autres pour t'enrichir, ça va te rattraper. Si tu as semé les désordres dans les foyers d'autrui. Toi, tu viens arracher le mari d'autrui. Tu viens déstabiliser le foyer d'autrui pour arracher la femme d'autrui, le mari d'autrui. Ça va te rattraper. Et ce que tu as fait là, ça va se retourner contre toi-même. Parce que nous récoltons ce que nous avons semé. Faisons donc attention. Que Dieu nous préserve et qu'il nous aide à semer dans le sens du bien. Pour que nous puissions moissonner aussi pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Disons merci au Seigneur. Lui qui nous a gardés toute la journée, toute la nuit. Lui qui nous fait du bien. Lui qui nous protège. Lui qui nous garde. Lui qui nous avertit et qui nous parle. Bénissons son nom. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, où que vous soyez, vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Si vous avez téléchargé l'application Radio Fréquence Vie, vous pouvez nous envoyer une photo ou bien une vidéo pour dire combien cette émission vous fait du bien. Notre site web, c'est www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Juges 1, 1 à 7. Nous venons de voir dans ce passage qu'il est important de consulter Dieu avant de prendre de grandes décisions. Les enfants d'Israël ont consulté l'Éternel pour savoir qui devrait attaquer, qui devrait aller à la guerre. Et Dieu a dit, c'est Judas. Nous allons prier d'abord pour demander pardon. Si nous voyons que dans nos vies, nous avons pris de grandes décisions sans consulter l'Éternel. Et pourtant, nous plaignons, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Prions le Seigneur qui nous aide à le consulter toujours, à passer du temps avec lui et à obéir à ses instructions. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te proclamons roi, toi qui es Dieu au-dessus de tous les autres dieux, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous glorifions ton saint nom. Nous prions ce matin au Père éternel. Nous te demandons pardon pour toute omission faite lors des grandes décisions que nous avons prises. Nous ne t'avons pas consulté. Nous demandons pardon au Père éternel. Nous nous humilions devant toi et nous te demandons de ne pas compter cela dans notre passif. Nous prions au Père dans le nom de Jésus et nous prenons l'engagement, nous prenons la résolution de toujours te consulter pour tous nos projets, pour toutes nos entreprises. Nous prenons aussi l'engagement au Père éternel de passer du temps avec toi, de chercher continuellement ta face et d'obéir à tes commandements, d'obéir à tes instructions. Fortifie-nous, ô Père éternel, que ta parole habite toujours en nous. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons que tout opposition, tout blocage, tout ce qui nous empêche de nous épanouir, de passer du temps devant ta face, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père, parce que nous savons que tu nous soutiens par ta droite puissante et qu'avec toi, nous réaliserons des exploits. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de l'unité et de la solidarité. Nous devons chercher à être unis, surtout dans le contexte d'un combat. Ne cherchons pas à remporter les victoires seuls. Associons les autres frères et sœurs. Nous allons prier contre cet esprit d'égoïsme, cet esprit de division qui ronge parfois nos familles, même les couples. Nous allons combattre cet esprit de division dans nos églises, afin que nous comprenions que c'est ensemble que nous pouvons remporter les grandes victoires. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. croyons à ce que tu dis dans ta parole. Et c'est sur la base de ce que tu nous dis que nous prions ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie et pour l'éternité. Seigneur, nous avons beaucoup de défis à relever dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos entreprises, dans tout ce que tu nous confies. Il nous faut l'unité, il nous faut la communion, il nous faut la même vision, il nous faut l'association des uns et des autres pour que ces projets réussissent. Puisque tu nous dis, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ensemble, nous devons conquérir les espaces pour toi. Ensemble, nous devons conquérir, oh Dieu, les royaumes pour toi. Amen. Ensemble, nous devons racheter des hommes dans la main du diable. Alléluia. Ensemble, nous devons, notre Dieu, prier pour que nos foyers soient protégés, Alléluia. Soient délivrés, Alléluia. Soient libérés, Alléluia. Soient franchis. Alléluia. Nous chassons ce matin l'esprit de division, l'adversité, la méchanceté, la jalousie, oh, la haine dans nos foyers, dans nos vies. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous récoltons ce que nous avons semé. Prions le Seigneur, afin qu'il nous donne la capacité de semer du bien, de faire du bien aux autres. Si nous sommes des parents, que nous puissions faire du bien à nos enfants, les éduquer comme il se doit, parce que nous allons moissonner après. Que nous puissions faire du bien en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant les serviteurs de Dieu. Quand nous faisons du bien, nous allons moissonner. Que Dieu nous préserve de semer le mal, parce que lorsque nous semons le mal, le péché, nous risquons de moissonner aussi le mal. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Gloire et béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nos cœurs, notre âme pour te psalmodier, pour te louer, pour te chanter, pour t'adorer, parce que tu es l'unique, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous venons à toi parce que tu nous enseignes dans ta parole, dans les livres de Galates, au chapitre 6, à partir du verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Seigneur, nous voulons être des hommes de bonnes nouvelles. Nous voulons pratiquer le bien. Nous voulons prier pour les uns et pour les autres. Nous voulons participer à l'évangélisation. Nous voulons, oh Dieu, donner de notre argent pour que des âmes soient sauvées, pour que, Père, les besoins de l'Église soient pourvus. Père, nous voulons aider les plus faibles financièrement. Nous voulons que tu fasses de nous des hommes qui prient pour les autres, pour le salut des âmes, pour l'établissement, oh Dieu, des âmes dans l'Église. Père, donne-nous de ne point nous relâcher, de faire le bien, de donner des conseils spirituels. Merci, papa, en le faisant. Merci de visiter quelqu'un. Merci de guérir quelqu'un. Merci d'écouter nos prières au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce dimanche 22 mai, nous aurons à partir de 16h notre rencontre d'enseignement et de prière bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, la persévérance qui conduit à la victoire. Viens à cette rencontre pour comprendre comment tu peux prier avec persévérance jusqu'à renverser les barrières qui t'empêchent d'entrer dans ton mariage. La persévérance conduit à la victoire. L'entrée est libre. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. La rencontre se tiendra au lieu habituel, à la salle climatisée du CPE, à Cocody, Cité des Arts. Ici Abidjan, c'est dans la même cour que la radio Fréquence Vie. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.